Je serai à tes côtés si c'est ce que tu souhaites. Et ensemble, nous grimperons jusqu'au sommet. Mais on ne peut pas faire tout cela par téléphone. La dernière fois que j'ai mis les pieds dehors, je faisais une taille 40. Et maman, autour de toi, y'a des tas de gens qui sont comme toi et moi. Ça fait des années qu'on m'a pas fait twister. Ton passé est bien derrière toi. Dis bonjour au futur, c'est tout toi. Ah, ah. Tu vois pas que le monde a bien changé. Alors c'est toi, il faut pas hésiter. Allez, viens dire bonjour aux sixties. Oh, oh. Servez-vous un beignet. Allez, ils sont gratuits. Dépêchez-vous, il n'en reste presque plus. Allez, engloutissez tout, les filles. J'ai des tonnes de taffeta à l'intérieur. Bonjour, monsieur Pinky, je suis Tracy. Voilà, ma bonne étoile. La télévision ne t'aura pas privé de tes charmes, c'est bien. Oh, monsieur Pinky, vous avez choisi la plus jolie fille pour représenter les vêtements de votre marque. Mais dites donc, Tracy, elle ne peut être votre agent. Elle doit forcément être ta délicieuse sœur aînée. Pinky, vous êtes un grand flatteur. Oh, mais non, je ne suis pas sa délicieuse grande sœur. Et je fais... un bon aidé. Oui. Oh mon Dieu, j'ai trouvé mon mannequin idéal. Regarde-moi, je suis la plus belle du quartier cette fois. Hey Tracy baby, regarde-nous. N'a-t-on jamais vu de Pokémon comme nous? J'ai des go, je pense. J'ai enfin trouvé toutes mes réponses. Oui, je sais que le monde a bien changé. Tu dois pas te pousser. Et tu veux dire bonjour aux sixties. Oh, oh, oh, oh. Ta mère se réveille enfin, elle va te dire la vie.